بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد عن نوبو شابير كي الذكر عقب الصلاة كي الرابل الذكر كنو في الأفكار كنو في أبخل الصلاوات ديركتنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يسيد كسلا إتي une chose qui est connue parmi la sunnah également qui est confirmé par le Coran comme قال تعالى في ذكر رأيت مصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا ولا جنوبكم que si vous avez fini la salat alors invoquez Allah en étant debout ou assis ou alors sur le côté c'est-à-dire allongé en toute situation tu fais ton zikr après la salat ce zikr n'est pas obligatoire mais il est fortement recommandé une sunna mu'akkada qu'il ne faut pas délaisser car elle a beaucoup de fawaïd beaucoup de fawaïd et bien pour compléter justement le manquement qui aurait pu avoir lieu dans cette salat. Et ces askars sont très nombreux. Il y a plein de façons de faire les askars qui viennent après la salat. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع وعشرين بعد المئة 124 حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. Donc Ibn Abbas, il disait que le fait de lever la voix en faisant le zikr, lorsque les gens avaient fini la salat, même, cela se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de salat qui est maktouba, l'obligatoire. Il dit également que je savais que les gens avaient fini de faire la salat lorsque j'entendais ce zikr, c'est-à-dire qu'ils entendaient les voix des gens faire les askar. Et dans une version, il disait, nous ne savions pas que la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était terminé si ce n'est par le takbir. Nous ne savions pas que la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était terminée si ce n'est par le takbir. Et là, il parle de la salat en groupe. Et certains, ils ont interprété le ulama, le takbir ici, comme étant le fait de faire le askar, de façon générale. Et d'autres, ils ont dit non, c'est le fait de faire takbir de façon particulière. La chose, elle est souple. D'accord. Mais beaucoup ont interprété le takbir là comme étant les askar, en fait. Yaqulu fadilat al-shi'a ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. الراوي الرابورتور سي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول موضوع الحديث بيان حكم الجهر بذكر بعد صلاة الفريضة ça vient pour montrer le jugement de faire le zikr à haute voix après les salats obligatoires. يقول في الشرح الإجمالي l'explication globale de ce hadith أمر الله تعالى بذكر بعد قضاء الصلاة أمرا مؤكدا هو أمر الله تعالى بذكر بعد قضاء الصلاة أمرا مطلقا غير مقيد بسر ولا جهر. Donc Allah عز وجل a ordonné de faire le zikr après avoir fini la salat de façon absolue sans que cela ne soit limité au fait de le faire à voix haute ou à voix basse. وهذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن السنة فيه الجهر حيث كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بذلك. Donc là, et ce hadith vient lui par contre pour préciser que en fait Ibn Abbas entendait les gens lever leur voix en faisant le zikr après les salawat. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعلم انصرافهم من الصلاة إذا سمع أصواتهم بالتكبير بعدها ولا يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سواه لبعدهم فلا يسمعون تسليمه. Et là, Ibn Abbas, il disait que lui, il connaissait la fin de la salat des gens par le fait qu'ils entendaient leur voix, par le takbir. Par le takbir. Et également, il disait que les gens ne savaient pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fini sa salat, si ce n'est par également ce takbir ou ce zikr qu'il faisait à voix haute après avoir fini, car à cause de l'éloignement qu'il y avait, il n'entendait pas son taslim. Lorsqu'il disait « Assalamu alaikum wa rahmatullah »« Assalamu alaikum wa rahmatullah » Mais ça, ce n'est pas dans l'absolu non plus. Des fois, il entendait. Pour preuve, ils nous l'ont rapporté, comment il le faisait. Et il se peut que parfois, il n'entendait pas. Mais il savait qu'il avait fini sa salade, comment ? Par le zikr qu'il faisait à voix haute. Naam. Yaqulu min fawaidil hadith. Enseignement utile du hadith. مَشْرُوعِيَةِ الذِّكْرِ وَالْجَهْرِ بِهِ بَعْدْ صَلَاتِ الْفَرِيضَةِ qu'il est légiféré de faire le zikr à voix haute après la salat qui est obligatoire. Et cela même est une sunna mu'akkada. ثانياً أن التكبير من الذكر الذي كانوا يجهرون به et que le fait de dire Allahu Akbar c'est parmi justement les askar qu'il faisait à voix haute. Par contre, il n'y a pas de dalil qui dise qu'il fallait le faire trois fois. Car souvent les gens ils font le takbir trois fois après la salat. Un nombre, tu peux le faire une fois, tu peux le faire deux fois, trois fois, ainsi de suite, mais il n'y a pas de hadith qui stipule de se limiter à un nombre particulier. Mais le meilleur, c'est de faire de nombre impair. C'est possible, car cela est parmi les choses qui sont recommandées dans la sunna. Wallahu ta'ala alam. وبهذا القدر نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك